bum bottom bottom bum bottom bottom bum bottom bottom bottom. Bonjour à tous, vous êtes dans l'émission Portrait Civique pour une première émission. Cette émission Portrait Civique fera le portrait de plusieurs jeunes en service civique et donc pour cette première émission, c'est une émission un peu spéciale. On va vous expliquer ce qu'est en détail le service civique. Donc je suis aujourd'hui avec Caroline Nina. De Bonjour. La DDSPP donc des Vosges. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conseillère d'éducation populaire et de jeunesse, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et donc, vous êtes venue pour parler aujourd'hui donc du service civique. Complètement. Alors, dites-nous un petit peu comment le service civique est né. Donc, le service civique, c'est un dispositif d'engagement volontaire. La loi de promulgation, c'est le 10 mars 2010, donc depuis 2010. Donc au début, il s'est développé progressivement et aujourd'hui, c'est un dispositif qui est très largement soutenu et qui se développe au niveau national et également local. Donc ça fait donc 7 ans que ça a été créé. Oui, tout à fait. Alors beaucoup de gens se posent la question, est-ce que c'est un rapport avec le service militaire qui était autrefois obligatoire ? Alors oui et non, je dirais. C'est-à-dire que c'est un volontariat qui s'inscrit, qui est régi par le code du service national, qui régit également le service militaire, mais c'est un dispositif qui est différent en cela que ce sont des jeunes, donc âgés entre 16 et 25 ans, ça peut même aller au-delà, hein, jusqu'à 30 ans. Ça n'a pas un caractère obligatoire comme pouvait l'avoir le service militaire. Voilà, c'est une proposition faite aux jeunes qui souhaitent s'investir dans une mission d'intérêt général, que ce soit auprès d'une association ou d'une collectivité territoriale ou même d'un établissement public. D'accord. Et à la suite de quel besoin le service civique a été créé ? Le service civique, c'est un moyen pour les jeunes de s'engager, d'apprendre aussi, de faire l'expérience pardon, de la citoyenneté, voilà, de donner de leur temps pour une mission qui s'adresse à tout le monde. Alors, le service civique, quand même encadré donc par un contrat, oui. Un petit peu comme un contrat de travail. Est-ce qu'il y a donc des choses de fixe ? Doit-on travailler un certain temps minimum, un temps maximum ? Est-ce qu'il y a des heures de précises, comme dans un vrai contrat ? Est-ce que c'est encadré au niveau du salaire ? Alors, effectivement, il y a un contrat qui s'appelle le contrat d'engagement, donc qui est régi, hein, je le répète, non pas par le code du travail, mais par le code du service national. Donc il y a un minimum d'heures à réaliser par semaine, c'est 24 heures et ça peut aller jusqu'à 35 heures semaine. Au niveau de la durée, c'est un engagement qui peut durer de 6 mois à 1 an. En moyenne, on est plutôt sur des missions de 8 mois à 24 heures semaine parce qu'on considère que le jeune volontaire a besoin d'une journée par semaine pour effectuer des démarches autres, administratives par exemple, ou pour rechercher des formations, enfin préparer sa sortie de la mission. Voilà, travailler un peu ce qu'on appelle le projet d'avenir. Donc ce contrat, il engage le jeune dans une mission qui est auparavant validée par nos services. Donc je travaille, je rappelle, au service jeunesse sport vie associative de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, qui est un service déconcentré de l'État. Et c'est nous qui instruisons en fait les demandes d'agrément et qui vérifions si les missions sont bien des missions de service civique et non pas, par exemple, des missions qui se substitueraient à un emploi. Justement, c'est quelque chose d'un petit peu curieux. Dans les contrats, il n'y a jamais, donc, le salaire n'est pas vraiment en fait proportionnel au nombre d'heures qu'on peut passer donc, dans un service civique. Alors là aussi, je préférerais le terme d'indemnité et non pas de salaire, puisque ce n'est pas un emploi. Donc l'indemnité, que ce soit un engagement de 24 heures ou 35 heures par semaine, elle est identique. Elle est à hauteur de environ 580 euros par mois Donc ça, c'est du net pour le jeune. Sachant, pour information pour les structures qui désireraient avoir un agrément et accueillir des volontaires, l'indemnité, elle est composée en deux parties. Il y a environ 470 euros pris en charge directement par l'État via l'ASP et la centaine d'euros supplémentaire qui est versée directement par l'organisme d'accueil. Peut-on faire parallèlement un autre travail ou ses études en même temps que le service civique ? Oui, les statuts sont cumulables. Après, il faut rester dans la mesure du raisonnable. Donc, à titre indicatif, on conseille aux structures que le jeune qui s'engage dans une mission à 24 heures semaine, par exemple, voilà, ne s'engage pas dans un travail ou dans des études au-delà de 20 heures par semaine. Ne pas dépasser un certain quota d'heures pour que ça soit dans, voilà, dans l'ordre du raisonnable. Alors, donc, vous avez parlé aussi des limites d'âge, donc de 16 à 25 ans. Et donc, jusqu'à 30 ans, c'est quoi les conditions Alors, c'est jusqu'à, effectivement, principalement 16-25 ans. Donc, ça peut être jusqu'à la veille des 26 ans, on peut s'engager dans une mission. Et ça peut être jusqu'à la veille des 31 ans pour les personnes qui sont en situation d'handicap. C'est-à-dire qu'on signe le contrat avant d'avoir 26 ans, mais du coup, on peut avoir sa mission donc, qui dépasse sur ses 26 ans. Oui, tout à fait, c'est ça. Est-ce qu'il y a aussi des conditions de nationalité ? Peut-on être étranger et vivre en France et vouloir faire un service civique, par exemple ? Oui, alors depuis la loi Égalité et Citoyenneté de janvier 2017, effectivement, il y a davantage de personnes qui peuvent bénéficier d'un volontariat de service civique. Je ne pourrais pas vous détailler très précisément, il faut se reporter à la loi. Mais en tout cas, par exemple, les étudiants étrangers résidant en France pour leurs études peuvent s'engager aussi dans un volontariat. Et donc, on n'est pas obligé non plus d'habiter donc, la région pour faire un service civique. Et pourtant, alors peut-être c'est vraiment spécifique à certaines annonces. Je suis déjà donc tombée sur certaines annonces qui demandent vraiment à habiter la région. C'est vraiment des cas exceptionnels ? Normalement, ça, c'est assez restrictif par rapport au recrutement. Il n'y a rien de spécifique qui doit être demandé aux volontaires. C'est-à-dire qu'on n'a pas de conditions de diplôme, de compétences et ni même de lieu d'habitation. A priori, si les associations... Si vous êtes tombé sur une offre qui spécifie ça, c'est qu'ils pense que c'est plus pratique pour le jeune d'être domicilié en fait au même endroit, tout simplement. Mais c'est pas un vrai critère de sélection. Vous avez parlé donc d'expérience professionnelle. On peut donc très bien travailler, par exemple, dans une crèche ou une école Montessori, sans avoir aucune expérience avec les enfants. Il y a pas, on demande pas d'avoir une expérience dans le BAFA, fait. Non, surtout pas. La structure est pas à même de demander à ce que quelqu'un qui intervient auprès d'un groupe ait un BAFA. Maintenant, un volontaire peut malgré tout proposer une animation. Alors, il ne sera pas encadrant, il ne sera pas animateur proprement parlé. Il interviendra en binôme et il y aura toujours quelqu'un qui sera en responsabilité du groupe. Mais il peut proposer une animation et il faut que la mission soit une vraie plus-value aussi pour la structure. C'est-à-dire que la mission ne doit pas s'inscrire dans le fonctionnement même de la structure. Le volontaire, les tâches qu'il effectue ne sont pas indispensables au bon fonctionnement de l'association, mais ça doit être quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que les structures d'accueil aussi sont contentes d'accueillir des volontaires, parce que ça leur permet d'expérimenter aussi des nouveaux projets des fois. Alors parlez-nous un petit peu des types de jeunes qui font des services civiques. Est-ce que c'est plutôt des jeunes qui ont fait des études, qui font des années de césure, ou des jeunes qui sont en recherche d'emploi, qui ont peut-être un peu décroché leur étude ? Alors, il y a vraiment tout profil. Donc, c'est un peu plus vrai au niveau national. À titre d'exemple, donc au niveau des Vosges, en 2017, il y a un peu moins de 600 jeunes qui sont engagés dans une mission d'intérêt général. Et parmi ces 600 jeunes, on peut noter que plus de la moitié étaient demandeurs d'emploi, qu'il y en avait un peu plus d'une centaine étudiants, autant inactifs, et un peu moins de 20 salariés. Donc ça peut vous donner une idée. Effectivement, ce sont principalement des personnes qui sont demandeurs d'emploi et qui peuvent rechercher dans quel domaine d'activité ils veulent s'inscrire professionnellement. Après, ça peut être d'autres profils, comme effectivement des étudiants qui vont faire une césure entre deux années d'études. Ça peut être des reconversions. Ou ça peut être aussi des jeunes qui souhaitent s'engager dans un domaine qu'ils ne connaissent pas sans avoir d'objectif professionnel derrière, à vrai dire. D'accord. Alors, peut-être, on va peut-être parler des structures maintenant, un peu les associations, quel type... déjà, est-ce qu'il faut être une association? Est-ce qu'il y a un cadre, être loi 1901, par exemple ou... Oui, tout à fait. Il faut que ce soit des associations déclarées, donc loi 1901. Mais il y a aussi les collectivités territoriales et les établissements publics qui peuvent accueillir des volontaires. Au niveau des associations, autour de Remiremont, on peut noter par exemple la ludothèque de Remiremont qui accueille très souvent des volontaires, mais aussi le centre social Le Rumont. Il y a des associations sportives, des associations ESS comme l'Abri. Tout type de structure. Au niveau des Vosges, beaucoup de volontaires effectuent aussi une mission au sein des établissements scolaires. Donc là, c'est un agrément porté au niveau national par le ministère de l'Éducation nationale. Il y a beaucoup de domaines d'action que peuvent proposer les associations. Je ne sais pas si vous avez un petit panel d'exemples. Oui, je peux vous proposer un panel d'exemples. Donc il y a 9 domaines principaux de mission. Alors le plus large, ça va être celui qu'on intitule Éducation pour tous, pour la bonne raison qu'il y a beaucoup de missions qui sont rattachées aux établissements scolaires. Ensuite viendra la solidarité. Donc je l'ai dit, comme l'association L'Abri par exemple, ou même le centre social Le Rumont. Ensuite ça va être le sport, il y a la culture et loisirs, et les interventions d'urgence comme la protection civile des Vosges qui accueille plus d'une trentaine de volontaires. Chaque volontaire ayant un projet spécifique, mais tous ont à cœur de permettre à la population de connaître les gestes de premier secours par exemple. Il y a l'environnement, la mémoire et citoyenneté, la santé aussi. Il y a des missions qui se réalisent auprès d'EHPAD. Donc il y a des volontaires qui vont accompagner des personnes âgées, leur proposer des animations, des sorties. Et puis enfin, il y a le développement international et action humanitaire. Mais là, au niveau des Vosges, on n'a pas d'exemple concret. Alors justement, donc des fois, ça dépasse un petit peu le cadre de la France. Il y a quand même quelques services civiques à l'international ? Oui, tout à fait. Vous pouvez réaliser, le volontaire peut réaliser sa mission à l'international, sachant que le nombre d'offres est plus limité, bien sûr, que celle proposée en France. Et il y a aussi beaucoup plus de demandes. Donc il y a cette possibilité-là, mais je rajouterais qu'un jeune qui souhaite partir à l'étranger peut aussi se tourner vers d'autres formes de volontariat, comme le SVI, donc le volontariat international, ou même le SVE, le volontariat au niveau européen. Alors le contrat service civique, on peut le faire qu'une seule fois dans sa vie ? Oui. Et par exemple, on peut peut-être cumuler SVE, SVI, service civique ? Oui, tout à fait. Donc une mission, tant qu'elle n'est pas réalisée dans les 6 premiers mois, le jeune, pour X raisons, peut interrompre aussi le contrat et s'engager dans une autre mission. Mais c'est vrai qu'il peut réaliser qu'une seule fois dans sa vie. Maintenant, il peut cumuler avec d'autres formes de volontariat. Ce sont des choses totalement différentes, par exemple. Oui. Ok. Alors, vous avez peut-être quelques exemples de pays vers où on peut partir ? Ça reste l'Europe ? Ça peut aller dans d'autres continents ? Vous savez pas forcément ? Non, là, je pourrais pas vous donner de réponse très précise. Pour tout savoir sur ça, il faut se rendre sur le site de l'Agence du service civique. Donc, ça doit être www.servicecivique.gouv.fr. D'accord. Je ne suis pas très sûre de l'adresse, mais vous pouvez vous rendre sur ce site-là et toutes les missions, toutes les offres de missions sont publiées. Alors parlez-nous un petit peu des chiffres peut-être que vous en avez sur les Vosges, combien par rapport aux jeunes, aux structures, aux demandes ? Alors, donc au niveau des Vosges, il y a un peu moins de 600 jeunes qui ont signé un contrat d'engagement de service civique depuis le 1er janvier 2017. Donc ça représente une augmentation par rapport à 2016 de 25%. Donc on voit bien que c'est un dispositif qui se développe, qui a une demande pour ça. Et pour répondre à cette demande, effectivement, on effectue un travail aussi auprès des structures pour qu'elles puissent accueillir, proposer des nouvelles missions aux volontaires. Donc, ces structures, elles sont en augmentation. Il y a des agréments au niveau national, mais aussi au niveau local. Et au niveau local, par exemple, il y a 269 jeunes qui émargent sur des agréments locaux, contre 192 en 2016. Vous avez peut-être une idée un peu, est-ce qu'il y a plus d'offres que de demandes ou l'inverse ? Alors cette année, j'ai la sensation qu'effectivement, il y a un peu plus de demandes que d'offres. Ou alors peut-être que le frein de la mobilité fait que toutes les offres qui sont publiées ne sont pas forcément pourvues, parce que les jeunes n'ont pas forcément la possibilité d'aller dans les lieux où sont proposées les missions. Justement, donc, quand on regarde un petit peu les annonces proposées sur le site officiel donc, des services civiques, on s'aperçoit qu'il y a des annonces qui ont été postées il y a un petit moment déjà. Mais donc, il n'y a pas de souci, on peut toujours postuler, même si ça fait plusieurs mois que l'annonce a été postée. Oui, normalement, les annonces qui sont postées donc, sur le site national de l'Agence du service civique sont toujours à pourvoir. Normalement, les structures doivent les dépublier lorsque l'offre est pourvue. Maintenant, il peut arriver aussi que la structure ait oublié de dépublier l'offre. Et là, en toute logique, elle prévient le ou la volontaire qui postule. Alors, donc, on a parlé de ce site donc, qui est au niveau national. Est-ce qu'il n'y a pas un autre site qui regroupe des services civiques Oui, on a tout à fait. On a la chance dans les Vosges d'avoir un site. Donc, c'est www.servicesciviques88. Qui référence toutes les offres au niveau des Vosges. Donc c'est un site qui a été développé avec la Ligue de l'enseignement 88, qui met à jour ce site-là. Et en plus des offres, les jeunes peuvent aussi avoir accès à des articles sur le service civique, à des témoignages de jeunes qui sont engagés. Donc c'est une source d'information importante. Alors comment vous vous faites connaître Enfin, pour expliquer un petit peu aux jeunes qu'il y a des services civiques, tout le monde ne connaît pas. Est-ce qu'il y a des moyens de communication autres que le site internet ? Alors on essaye en termes d'animation territoriale d'organiser des forums de recrutement. Donc l'année dernière, toujours avec la Ligue de l'enseignement, mais aussi avec d'autres associations qui partenaires, tels que le Centre social du Rumont sur Remiremont, mais la mission locale aussi. Différents quatre forums ont été organisés, un à Épinal, un autre à Contrexéville, un troisième à Remiremont et un quatrième à Saint-Dié-des-Vosges. Donc ça permettait de mettre en relation les structures qui avaient des offres avec les jeunes qui étaient intéressés pour s'engager. Cette année, j'espère qu'on renouvellera l'expérience. Et ensuite, au niveau de la communication, on se base aussi sur les réseaux. Donc, par exemple, les missions locales sont prescripteurs. Ils sont très bien informés sur le dispositif et ils peuvent proposer aux jeunes qui suivent de s'engager dans une mission de service civique. Ensuite, il ne faut pas hésiter à communiquer auprès de la mairie. C'est une histoire aussi beaucoup de réseaux. D'accord. Alors moi j'ai fait un petit peu le tour de mes questions. Est-ce que vous auriez d'autres choses, des anecdotes ou quelques autres petites choses à savoir sur le service civique ? Oui, par exemple, si les structures, si certaines structures souhaitent accueillir des volontaires, la première étape, c'est justement de prendre rendez-vous avec moi, tout simplement. Donc vous avez les coordonnées sur le site de l'Agence du service civique. On propose un accompagnement spécifique pour toutes les structures qui effectuent une première demande. D'accord. Et puis d'autres choses encore, oui ? Oui, une dernière chose, je voulais ajouter que c'était donc avant tout un engagement volontaire, le service civique, et qu'en plus de réaliser la mission, on propose des formations aux jeunes. Donc c'est une formation qui se déroule en deux temps. Ils ont la possibilité de passer leur PSC1, donc leur brevet de secourisme premier degré, et de suivre aussi une formation civique et citoyenne de 2 jours. Très bien. Alors peut-être pour conclure, s'il y a des auditeurs jeunes qui nous écoutent, pourquoi est-ce que vous conseillerez de faire un service civique ? Alors, c'est pas, il n'y a pas de caractère obligatoire, mais du moins, je pense que c'est une vraie possibilité de s'ouvrir sur le monde. C'est un grand mot, mais du moins, de se rendre compte de l'activité des associations, des collectivités territoriales. C'est un temps où on peut s'engager. Enfin, c'est une vraie expérience aussi de mixité sociale. Donc, effectivement, je peux le conseiller pour des jeunes qui souhaitent prendre le temps pour ça. Maintenant, il n'y a pas forcément de visée professionnelle. Ce dispositif ne sert pas forcément à ça, même si effectivement, on peut rechercher aussi certaines compétences, certaines expériences. Voilà, il y a plein de raisons pour s'engager dans une mission. Ok, ben merci beaucoup. Merci. Alors, donc on rappelle, il y a donc deux sites internet, un site officiel et donc un site spécifique aux Vosges. Donc on vous invite à regarder tout ça. Et nous, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Donc c'est une nouvelle émission Portrait Civique qui sera tous les mercredis à 14h. À bientôt sur Radio Guémozo.